الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنبدأ في شرح كتاب، وهو الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة رحمة الله عليه، وقد شرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. On va commencer inshallah certaines parties d'un livre de l'imam ibn Battah Al-Akbari qui s'appelle Al-Sharh wa Al-Ibana ala usul as-sunnah wa ad-diyana. Et ce livre a été expliqué par Al-Sheikh Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali à Médine, dans une des mosquées à Médine. Wa bada'a al-musannif aw al-mawdu' huwa fi النهي عن مجالسة أهل الأهواء والبدع وأصحاب الخصومات، وتحريم مجالستهم. Et le sujet qu'on a pris de ce livre, c'est l'interdiction de s'asseoir avec les gens de l'innovation et les gens qui débattent concernant la religion et les gens des passions. فقال الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمة الله عليه في كتابه شرح والإبانة، فقال ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله تبارك وتعالى، وإياك والمراء والجدال في الدين، فإن ذلك يحدث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه. Donc la première des choses que الشيخ mentionne, l'imam Ibn Battah, il mentionne, et on a pris certains morceaux, parce que si on prenait eh bien entièrement le livre, on ne pourrait pas terminer aujourd'hui. Voilà, qui on va prendre une partie. Une partie, et dans cette première partie, il dit, l'imam Ibn Battah, pour expliquer yani, la croyance de l'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, il dit, ne t'assieds pas avec les gens du débat, yani qui débattent dans la religion, car ils conjecturent au sujet des versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, et prends garde aux disputes et aux querelles dans la religion. car cela amène la rancœur et fait sortir, yani cela, les disputes et les querelles de la religion, cela fait sortir la personne, si il est sur la sunna, elle le fait sortir vers quoi? Vers l'innovation, il est le bid'ah. Car la première des choses qui fait diminuer la religion d'une personne qui est sur la sunna et qui ramène un manquement dans sa religion et dans son minhaj, c'est quand il débat avec l'innovateur et quand il s'assied avec lui. فهذا المقطع من الكلام وهذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله جزء مهم للمسلم في دينه ومهم للسنة في صيانة عقيدته. Donc qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, dans l'explication de cette partie? Il dit que cette partie des paroles de l'auteur Ibn Battah est une partie très très importante pour le musulman dans sa religion et pour celui qui est sur la sunna pour préserver son dogme, sa croyance. Ala wa huwa ma sami'tumuh min al-nahy 'an mujalasati ashab al-kalam wal-khusumat wat-tahdhir min al-mira' wal-jidal fi al-din. Et cette chose qui est importante, et cette partie, et ces paroles de l'auteur, l'imam Ibn Battah, rahimahullah, qui sont importantes, il dit, c'est les choses que vous avez entendues. C'est les choses que vous avez entendues, qui est l'interdiction de s'asseoir avec les gens de la conjecture et du débat. Et également, la mise en garde de se quereller et de se disputer dans la religion, un au sujet de la religion et de débat avec les gens de l'innovation. Donc il dit, cette partie du matn de ce livre contient deux sujets. La première des choses, c'est l'interdiction de s'asseoir avec les gens qui débattent et qui conjecturent au sujet de la religion. وَهُوَ مُهِمٌ جِدًّا إِذْ بِهِ يُحَافِظُ السُنِّ عَلَى سَلَامَةِ عَقِيدَتِهِ وَصَفَائِهَا. Et ceci est très important. Pourquoi? Parce que c'est en s'écartant de ces assises-là, où est-ce qu'il y a des débats concernant la religion avec les innovateurs, que celui qui est sur la sunna préservera sa croyance et préservera la pureté de sa croyance. Et le fait de s'écarter de ces assises-là et de s'asseoir et de ne pas s'asseoir avec ces gens-là, également on lui fera hériter l'affermissement dans son minhaj et dans sa religion. أما صاحب الخصومات فإنه يكثر التنقل. Mais quant à celui qui va et qui conjecture et qui s'assied avec les gens des passions et avec les innovateurs et qui les écoute et qui veut débattre avec eux, celui-là se déplacera tout le temps. يعني d'un minhaj à un autre minhaj. كلما خاصم من هو أقوى منه تبعه. À chaque fois qu'il débattra avec une personne qui est plus forte que lui dans les arguments, il le suivra. والعياذ بالله. والنهي عن مجالسة أصحاب الخصومات في الدين قد أطبق عليه السلف رحمهم الله كلهم كلامهم في هذا على وتيرة واحدة. Il faut savoir que le fait ou l'interdiction de s'asseoir avec les gens du débat ou de débattre avec les gens de l'innovation et de s'asseoir avec eux pour parler de religion, les pieux prédécesseurs ont saisi l'importance de cela. Ils ont saisi l'importance de ne pas s'asseoir avec eux et de ne pas débattre avec eux. Et leurs paroles sont unanimes, tous, autant qu'ils sont, les savants de la sunna, quant au fait de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas débattre avec eux. Et leur parole est la même, tous sans exception. Même si les façons sont différentes, les façons de dire cela sont différentes. Mais ils sont tous d'accord que le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation et de débattre avec eux concernant la religion, ceci est interdit. فَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ. Ils sont tous unanimes et d'accord à ce sujet. أعني النهي عن مجالسة أصحاب الخصومات. C'est-à-dire le fait de s'asseoir avec les gens de l'innovation et débattre avec eux concernant la religion. وقد ساق المصنف رحمه الله في أول الكتاب آثارا في ذلك عن السلف. Et l'auteur, Ibn Battah, l'imam Ibn Battah, rahmatullahi alayh, il a exposé cela au début de son livre. On a dit qu'on n'a pas pris tout le livre, mais on a pris certains chapitres qui concernent bien le fait de s'asseoir avec les gens d'innovation. Et l'auteur, rahmatullahi alayhi, il a exposé cela au début de son livre et il a ramené bien des paroles de nos pieux prédécesseurs. Rahmatullahi alayhim. فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا فَلْيَرْجِعَ. Et celui qui veut y retourner et voir, eh bien qu'il aille voir. وَمِنْ هَذِهِ الْآثَارِ. Et parmi ces paroles de nos pieux prédécesseurs qui interdisent, eh bien, le fait de s'asseoir avec les gens d'innovation et de débattre avec eux dans la religion, قَوْلِ أَبِي قِلَابَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَقَالَ إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الْخُصُومَاتِ. يقول أبو قلابة الجرمي رحمة الله عليه إياكم وأصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. هذا الأمر الأول. Donc أبو قلابة, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: prenez garde aux gens du débat. Prenez garde à ces gens qui débattent, ces innovateurs qui débattent et qui veulent débattre avec vous dans la religion. Prenez garde à ces gens-là. Pourquoi? Il dit ensuite: car je ne peux pas vous garantir qu'ils ne vous plongeront pas dans leur égarement. Et ici, tu débats avec eux, je ne pourrai pas te garantir, comme il dit Abu Qilab al-Jurmi, je ne pourrai pas te garantir que tu échapperas au fait de plonger dans leur égarement. هذا الامر الاول. والامر الثاني او يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. Et la deuxième chose, c'est: et ils peuvent également vous tromper concernant certaines choses que vous connaissez, يعني dans votre aqida. Et si tu débats avec eux, eh bien il se peut qu'ils te convainquent et que tu reviennes et que tu le suives dans, dans son dogme et sa croyance erronée, ou dans son minhaj erroné. Imma hada wa imma hada. Donc soit l'un, soit l'autre. Soit, eh bien, tu plonges dans son égarement, ou soit il te trompe concernant certaines choses que tu crois déjà et que tu connais déjà concernant la religion, ou l'aqida, ou le manhaj. Imma an yaghmisak صاحب المجادلة والمخاصمة في الدين أن يغمسك من أول وهلة. Soit il te plonge. Qui ça? Ceux avec qui tu conjectures parmi les gens de l'innovation, parmi les gens du débat. Soit il te plonge sur le coup, directement. Dès que tu parles avec lui, il te met le doute et il te plonge dans son égarement et tu vas avec lui. Ou ça? Dans son égarement. فتدخل معه في باطله. Tu rentres avec lui dans son faux. وتنتقل إلى ضلالته. Et tu te déplaces vers son égarement. Alors que tu étais sur la sunna, tu es parti débattre avec lui et tu t'es déplacé vers son égarement. وذلك لأنه صاحب جدل وصاحب لسن وصاحب منطق. Pourquoi? Parce que cette personne, eh bien, il se peut qu'elle soit, eh bien, une personne qui sache parler, qui est éloquente, qui a une langue éloquente, et il te trompe avec cela. Alors que toi, eh bien, tu n'as pas les bagages nécessaires pour conjecturer et débattre avec lui. Et les cœurs, eh bien, ils sont faibles. وَالشُّبَهُ خَطَّافَ. Et les ambiguïtés, elles te happent. Vite fait. وَالشَّيْطَانُ يُزَيِّنُ. Le shaytan, il t'enjolive également ces choses-là. Et il te dit peut-être qu'il est sur la vérité. Pourquoi? Parce que il t'a parlé avec éloquence. Il t'a parlé et il t'a ramené certaines preuves et bien qui t'ont fait douter. Parce que tu n'avais pas les bagages nécessaires pour débattre avec lui ou que tu t'es assis avec lui. Et Shaitan, il t'a enjolivé cette chose-là et il t'a fait douter. عياذا بالله من ذلك. فما تحس إلا وقد أجبته إلى ما خاصمك. Et sans t'en rendre compte, tu le suivras dans ce quoi tu as débattu avec lui. Tu es venu pour le convaincre, ou tu es venu pour l'écouter, et à la fin, sans t'en rendre compte, eh bien tu le suis dans la chose avec laquelle tu as débattu avec lui, et dans son égarement, عياذا بالله. فتترك ما أنت عليه من الحق والهدى والسنة والاستقامة. Et tu délaisses la chose sur laquelle tu étais. Tu délaisses la vérité, la guidée, la sunna et la droiture. Tout ça parce que tu t'es assis avec lui et tu as débattu avec cette personne. L'iyad billah. وتنتقل إلى الضلالة. Et tu te déplaces vers l'égarement. فهذه الحال الأولى من ثمرات مجالسة أصحاب الأهواء. Donc ça c'est le premier fruit, le premier résultat de t'asseoir avec les gens de l'innovation et de débattre avec eux ou même de les écouter. الذين يخاصمون وينافحون عن أهوائهم ويدعون إليها ويجادلون عنها. Donc ça c'est le premier des résultats. Le premier des résultats, quand tu t'assieds avec les personnes de l'innovation pour débattre avec eux, quand tu t'assieds avec les gens qui défendent et qui débattent et qui défendent avec ardeur leur passion et qui y invitent et qui conjecturent au sujet de leur innovation. وَإِنْ لَمْ تَحْصُلِ الْأُولَى لَا تَنْقَلِبْ إِلَّا وَالثَّانِيَةُ قَدْ حَصَلَتْ بِلَا شَكْ. Et si la première chose ne t'arrive pas, eh bien, sans aucun doute, la deuxième chose, tu tomberas dedans. Sans aucun doute, la deuxième chose, tu tomberas dedans. Ala wa huwa at-talbis. La deuxième chose, eh bien, c'est, il va te mettre des ambiguïtés. Même si tu ne le suis pas, il va te mettre des ambiguïtés. Il va te mettre des ambiguïtés. Kama qala Abu Qilaba, aw yalbisu alaykum ba'da ma ta'rifun. Ou sinon, ils vont vous tromper et mettre des ambiguïtés sur certaines choses que vous connaissez et que vous preniez comme certaines dans votre croyance et dans votre manhaj. Anta ta'lam anna hadha huwa alladhi alayhi salam. Toi tu sais que cette chose, eh bien les pieux prédécesseurs rahimahumullah étaient sur cette chose. Tu le sais. Fa yushakkikuka fiha aw yushakkikuka fi dhalik. Et celui-là, en débattant avec lui, il va te mettre le doute sur ces choses-là. Il va te mettre le doute sur ces choses-là que tu connaissais. وَلَا يَزَالُ بِكْ حَتَّى تُصْبِحَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنْتَ فِيهَ. Et il ne cessera de débattre avec toi jusqu'à ce qu'il te mette le doute sur les choses que tu connaissais et tu pensais certaines dans ta croyance. فَتُصْبِحُ مضطربا بعد ان كنت ثابتا. Et donc qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir désemparé après que tu aies été ferme dans ta croyance et dans ton minhaj. Et bien cette personne, parce que tu as débattu avec lui, tu vas devenir désemparé. وَعِيَذُ بِاللَّهِ وَإِذَا بِكَ كَشَّاتِ الْعَائِرَةِ. Et te voilà devenu comme un mouton hésitant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Une fois tu es avec ce troupeau là, et une autre fois tu vas brouter avec l'autre troupeau. Marra ma'a ahl al-bid'ah wa marra ma'a salafiyin. Une fois avec les gens d'innovation et une autre fois avec les salafis. Marratan ila ahl as-sunnah ومرة إلى مجالس أهل البدع والخصومة في الدين. Une fois avec les gens de la sunna, et une fois tu t'asseras avec les gens d'innovation, avec les gens du débat, et avec les gens des passions. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ وَهَذَا مَا نَرَاهُ الْيَوْمِ وَهَذَا نَرَاهُ الْيَوْمِ مُشَاهَدًا في كثير من إخواننا وأبنائنا طلبة العلم للأسف. والشيخ qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, on le voit beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit beaucoup. Et on atteste de cela chez beaucoup de nos frères et de nos enfants, parmi, eh bien, talabat al-ilm, parmi les étudiants en sciences, malheureusement. وَإِذَا نَهَيْتَهُمْ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَأَهْلِ التَّحَزُّبَاتِ السِّيَاسِيَّةِ وَالدَّعَوَاتِ الْبِدْعِيَّةِ الْمَاكِرَةِ تَضَرَّعَ الْمِسْكِينِ بِأَنَّ عِنْدَهُ عِلْمِ. Et si, eh bien, tu lui interdis et tu lui déconseilles de s'asseoir avec ces gens-là et de débattre avec ces gens-là et d'écouter ces gens-là, eh bien, il va s'humilier lui-même, le pauvre, en disant que soi-disant il a de la science pour pouvoir débattre avec eux. وَتَضَرَّعَ الْمِسْكِينَ بِأَنَّهُ يُجَالِسُهُمْ لِيُنَاظِرَهُمْ. Et il va te dire, cette pauvre personne, eh bien qu'il s'assied avec eux, pourquoi? Pour débattre avec eux et pour les convaincre, pour les ramener. وَمَا يَعْلَمُ الْمِسْكِينَ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صَفِّهِمْ أَوْ أَمْرَضُوهُ فَأَصْبَحَ مُتَزَلْزِلًا مُضْطَرِبًا شَاكًا فِي مَا عِنْدَ شُيُوخِ أَهْلِ السُّنَّةِ مُتَرَدِّدًا فِي ذَلِكَ. Et en réalité, il ne sait pas qu'il vient de tomber dans leur rang, ou qu'ils l'ont rendu malade, et il est devenu désemparé, il est devenu douteux concernant, eh bien, ce que possèdent les chouyours de Al-Sunnah. Et il est perplexe, cette personne en réalité est devenue perplexe, et elle ne sait pas, et elle ne sait plus, elle n'est plus certaine de ce qu'elle détenait comme vérité. Pourquoi? Parce qu'elle s'est assise avec les gens d'innovation. لأنه أسلم سمعه الذي هو الطريق إلى قلبه أسلمه لأصحاب الخصومات. Pourquoi? Parce que, eh bien, il a soumis son ouïe, ses oreilles, qui est le chemin qui va directement à son cœur. Il a soumis son ouïe, eh bien, aux gens de l'innovation et aux gens du débat. فشككوه فيما عليه أهل السنة. Et donc, ils l'ont fait douter sur quoi sont les gens de la sunna. Ils l'ont fait douter sur sa croyance et sur son minhaj. فأصبح في حيرة بعد أن كان مستبينا هذا الأمر على يقين وثبات فيه. Et donc il est devenu hésitant, il est devenu douteux, alors qu'il était certain et ferme au sujet de sa croyance et au sujet de son minhaj. Et tout ça à cause de quoi? À cause qu'il s'est assis avec les gens des passions et de l'innovation. وهذا والله بئسة الثمرة. Au Cheikh Hafidhahullah, il jure, il dit wallahi, ceci est un mauvais fruit et un mauvais résultat. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يخافون على أنفسهم مع رسوخهم في العلم فكيف بهؤلاء المساكين. Salaf, nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ils avaient peur, ils craignaient de s'asseoir avec les gens d'innovation. Malgré, eh bien, que la science était ancrée dans leur cœur. Et qu'ils étaient certains de leur croyance. Et que leur science, eh bien, était énorme. Et malgré cela, ils avaient peur. Ils avaient peur de cela et de débattre et d'avoir des doutes. Alors que dire de ces pauvres personnes qui, soi-disant, disent on a de la science et on va débattre avec les gens d'innovation, ou on va s'asseoir avec eux et on va les écouter, et on va faire la différence entre le vrai et le faux. ولهذا نحن نقول لأبنائنا اقرأوا هذه الكتب فإن لكم فيها الأسرة وبأصحابها بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة. Donc, Cheikh dit, c'est pour cette raison que nous disons à nos enfants, lisez ces livres de nos pieux prédécesseurs. Car il y a dans ces livres-là, eh bien, un excellent exemple pour vous, dans votre façon de faire avec les gens d'innovation. Et il y a un excellent exemple après l'exemple que sont les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Eh bien, après eux, après les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, salaf, les pieux prédécesseurs, ce sont eux qui sont l'exemple. فَلَقَدْ كَانُوا عَلَى كَشْفِ الشُّبَهْ أَقْوَى وَهُمْ بِمَعْرِفَةِ عَوَارِهَا أَوْلَى وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَصُونُونَ دِينَهُمْ عَنْ هَذَا كُلِّهِ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْقُلُوبَ ضَعِيفَةٌ. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ils étaient plus forts et plus compétents que nous à dévoiler les ambiguïtés. Et ils étaient plus aptes que nous à connaître le faux des gens d'innovation. Mais malgré cela, ils préservaient leur religion. Avancez dans la conversation, mes frères. Ils étaient... Nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, ils étaient plus aptes à connaître le faux des gens d'innovation. Et ils étaient plus compétents à dévoiler leurs ambiguïtés. Mais malgré cela, eh bien, ils protégeaient leur religion. Et ils protégeaient leur religion parce qu'ils savaient que les cœurs, eh bien, sont faibles. Ils savaient que les cœurs sont faibles. وَالْقُلُوبُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ فَهِيَ أَشَدُّ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ اسْتَجْمَعَتْ غَلَيَانَ. Il faut savoir que les cœurs, eh bien, ils sont entre deux doigts du tout miséricordieux, entre deux doigts parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'elles sont enclins, ou les cœurs sont enclins à se déplacer plus rapidement, eh bien, que le bouillonnement d'une marmite. وَلَقَدْ كَرِهَ السَّلَفُ ذَلِكَ كَرِهُ مُجَالَسَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. السلف, رحمة الله عليهم, ils ont répugné à s'asseoir et à débattre avec les gens d'innovation. وَنَقَلَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا فِي الْكِتَابِ مَعَنَا نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسِ وَعَطَاءِ وَمُجَاهِدِ وَالشَّعْبِي وَالنَّخَعِي نقل عنهم جميعا أنهم كانوا يكرهون أن يفتوا في شيء من الخصومات. ابن بطة رحمه الله il rapporte ces paroles de Taus, de Ata, de Mujahid, de Sha'bi, de Nakhai. Il rapporte ces paroles de ses pieux prédécesseurs, de ses tabi'in. Ont répugné à donner l'autorisation de s'asseoir et de débattre avec les gens de l'innovation. فَقَدْ كَرِهَ هَؤُلَا أَنْ يُفْتُوا فِي شَيْءٍ مِّنَ الْخُصُومَاتِ وَكَانُوا جَمِيعًا يَقُولُونَ الْخُصُومَاتِ مَحْقٌ لِلْدِينِ. Et tous, ils ont répugné à donner l'autorisation de débattre avec les gens d'innovation. Et tous disaient la même chose. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Al-Khusumat Mahqul Liddin. Ils disaient le débat dans la religion avec les gens d'innovation anéantit la religion. Anéantit la religion de la personne. Undur hadhihi al-ibara. Regardez cette phrase. Regardez cette phrase de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah. مخاصمه اهل الاهواء يقولون عنها الخصومات محق للدين. Le fait de s'asseoir et de débattre avec les gens d'innovation, qu'est-ce qu'ils disaient de cela? Tous, hein? Ils disaient que le fait de débattre avec les gens d'innovation anéantit la religion de la personne. تمحق الدين وتمحق عقيدتك. Elle anéantit ta religion. Elle anéantit ta croyance. وذلك لأنها تورثك الشك والتزلزل والاغترار والحيرة، هذا أقل أحوالها. Le fait de débattre avec les gens d'innovation ou de s'asseoir avec eux, eh bien cela te fait hériter du doute dans ta croyance, dans ta religion. Fais bien que tu es trompé dans ta religion, dans ta croyance. Et ceci est la moindre des choses. Ceci est le minimum. وإلا فالأولى نسأل الله العافية والسلامة وهي أن تغمسك في ضلال أهل الضلال. Donc la moindre des choses c'était ça. Mais sinon, eh bien tu plonges avec eux dans leur égarement. Tu plonges avec les gens de l'égarement dans l'égarement. فتقتنع بما عندهم من الباطل. Et tu deviens convaincu de ce qu'ils ont comme faux. فتلتحق بما عسكرهم. فتلتحق بمعسكرهم عياذا بالله من ذلك. Et tu te joins à leur groupe et à leur armée, l'armée du faux, والعياذ بالله. وهؤلاء جميعا هم عطاء ومجاهد والنخعي والشعبي كلهم كانوا يقولون ما خاصم وارع قط. Donc tout cela, tous ces imams de la sunna, tous disaient un pieux ne débat jamais avec les gens d'innovation. Un pieux, un vertueux, ne débat jamais avec les gens d'innovation. الخصومات في الدين أهل الدين والورع يكرهونها ويفرون منها. Les gens de la religion, les gens vertueux, les pieux, une personne qui tient à son minhaj, une personne qui tient à sa croyance, elle ne débat pas. Et elle répugne de débattre, de s'asseoir avec les gens de l'innovation et fuit de ces débats. Elle fuit de ces débats. Pourquoi ? Parce qu'elle est certaine de sa croyance. Elle n'a pas besoin de débattre avec ces gens-là. Qu'est-ce que ces gens-là vont lui apprendre ? Ou vont lui en rajouter ? وقال معاوية بن قرة رحمة الله عليه الخصومات في الدين تمحق الأعمال. معاوية بن قرة رحمه الله qu'est-ce qu'il disait? Il disait débattre dans la religion, يعني avec les gens d'innovation, anéantit les œuvres, anéantit les œuvres. وصدق رحمه الله. Il a été véridique رحمة الله عليه. إذا جلست فقط للمناظرات مع أهل البدع شغلوك. Si tu ne fais que t'asseoir avec les gens d'innovation, eh bien ils vont t'occuper que de ça. Et tu vas t'occuper que de ces choses-là. فلا تتعلم. Et tu n'apprendras rien. ولا تستفيد من وقتك. Et tu ne tireras aucun bénéfice de ton temps. ولا تقبل على عبادة ربك. Et tu ne pourras pas te dévouer à l'adoration de ton Seigneur تبارك وتعالى. يضيع وقتك كله معه. Tout ton temps tu le perdras avec eux et à t'asseoir avec eux. فهي ممحق للأعمال. Et donc cela anéantira toutes tes œuvres. التي تفيد الإنسان في دينه ودنياه. في دنياه وفي آخرته. Il perdra toutes ses œuvres avec laquelle il pourra tirer des bénéfices, que ce soit dans sa vie mondaine d'ici-bas ou dans son au-delà. كل همه المجادلة والمناظرة. نعوذ بالله من ذلك. Il dit que ces gens-là, eh bien, toute leur préoccupation, c'est de conjecturer avec ces gens, avec les gens d'innovation, et de s'asseoir avec eux pour débattre. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de cela. وقد جاء مثل ذلك مرويا عن علي رضي الله عنه عند اللالكائي رحمه الله. Et la même parole a été rapportée de Ali رضي الله عنه d'après اللالكائي رحمه الله أنه كان يقول الخصومات في الدين تمحق الأعمال. Il disait Ali رضي الله عنه, le fait de débattre avec les gens d'innovation, eh bien, ou de s'asseoir avec eux pour débattre, eh bien ceci anéantit et annule et anéantit les œuvres. وجاء أيضا مثله عن العوام بن حوشب رحمه الله، وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وصدق. Il a rapporté la même chose également de l'Awam ibn Hawshab, rahimahullah. Il dit que Omar ibn Abdel Aziz a dit: celui qui fait de sa religion une cible pour les débats avec les gens d'innovation, eh bien il multipliera les déplacements. C'est-à-dire, et il a été véridique, Sadat, Murji, Qadari, Mu'tazili, جهمي، واليوم تراه يقول لك سلفي، ويجلس مع الجماعة ويذهب به سروري، لأنهم أقرب الناس كما يقولون هم، وإلا ما هم أقرب الناس هم خوارج، وإذا به سروري قطبي، وبعد قليل وإذا به إخواني بنائي، كل الناس إخواني. نكلف ولا Il va s'asseoir avec un murji, il va devenir comme lui. Un qadari, il va devenir comme lui. Un mu'tazili, il va débattre avec lui, il va lui mettre un doute, il va devenir comme ça. Un jahmi, pareil. Aujourd'hui, tu le vois, il te dit: je suis salafi. Et il s'assied avec les frères salafi. Et ensuite, le voilà, et bien qu'il s'assied avec un sururi, et qu'il le prend et qu'il l'a avec lui. Et après peu de temps, tu vas le voir avec, s'asseoir avec le khawarij. Et après cela, eh bien, il va s'asseoir avec un sururi qutbi. Et après cela, avec, il va devenir un ikhwani, bannai. Et il va devenir tous les gens, et tous les ahzab, et tous les hizbi, ils vont devenir ses frères. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à s'asseoir avec eux. Et il a mis sa religion en tant que cible pour les gens du débat et de l'innovation. وَالْمُبْتَدِعَ كُلُّهُمْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ فَصَدَقَ السَّلَفُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَلِمَتُهُمْ لَا تَكَادُ تُخْطِي. Et wallahi, les salaf, ils sont véridiques dans leurs paroles. Et leurs paroles ne se trompent pas. Leurs paroles, elles ne se trompent pas. مَنْ جَعَلَ دِينَهُمْ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ أَكْثَرَ التَّنَاقُلَ. Celui qui fait de sa religion une cible pour les gens d'innovation dans les débats, eh bien il multipliera les déplacements. Une fois il sera avec lui, une fois il sera avec celui-là, une fois il sera avec les murji, une fois il sera avec l'ahbash, une fois il sera avec l'ikhwan, une fois il sera avec le khawarij, etc. etc. ولهذا كم مرض ممن كان يدعي انه على السلفيه ومكن سمعه واسلمه لهؤلاء. Et c'est pour cette raison combien de personnes sont tombées malades parmi ceux qui prétendaient être des salafis. Pourquoi? Parce qu'il a permis à son oui d'écouter les gens d'innovation. Et il a soumis son oui à ces gens-là. مَكَّنَ سَمْعَهُ مِنْ سِمَاعِ الشُّبَهِ. Il a permis à son oreille d'entendre les ambiguïtés et d'écouter les ambiguïtés. وذلك بإسلامه لهؤلاء. Et ceci en se soumettant et en débattant et en s'enseignant avec ces gens. يسمع منهم كل ما يقولون فتراه مضطربا متزلزلا في حيرة. Et donc il écoute tout ce que ces gens-là ont à dire. Et tu le vois, eh bien, désemparé et dans le doute. Et ceci, beaucoup de frères le font. Ils écoutent n'importe qui, internet. Il ouvre internet, YouTube, il entend n'importe qui, ça lui met une ambiguïté. Et tu le vois, il a un doute. Ah oui, mais c'est vrai, il m'a dit ça, il a dit ça la dernière fois. C'est possible que... Qui t'a dit d'aller écouter ces gens-là? Qui t'a dit d'aller écouter ces gens-là et de laisser ton ouïe à la merci des ambiguïtés de ces gens-là? Et donc ne t'étonne pas de tomber malade, que ton cœur soit malade, et d'avoir des doutes dans ta croyance et dans ton minhaj. Si à partir du moment où tu délaisses la parole de nos pieux prédécesseurs, eh bien sans aucun doute tu vas tomber dans ce qu'ils t'ont promis. Soit tu tombes dans leur égarement, ou soit ils te mettront dans le doute. L'iyadu billah. Wa idha bika tunkiruhu. أو تنكر ما هو عليه. وإذا بك تنكره ما هو أخوك الذي كان بالأمس. Et si eh bien tu essayes de le faire revenir et tu le réfutes, tu ne reconnaîtras plus ton frère qui était avec toi hier dans ton rang, dans la salafia. وبعد قليل إذا به في الضفة أو في الضفة الأخرى قد انتقل تماما. Et après un court temps, un court laps de temps, le voilà et bien de l'autre côté du rivage, dans le rang et bien des Hizbi, l'Iyadu Billah. Pourquoi? Parce qu'il a soumis son ouïe et ses oreilles aux ambiguïtés. Et il est tombé, il a plongé dans le regardement. Farahmatullahi wa ridwanuhu ala man la yantiqu illa bis sunnati wa bil kitab bil wahy alladhi anzalahu Allah azza wa jalla ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah azza wa jalla soit satisfait et qu'il fasse miséricorde à ceux qui ne parlent que avec la sunna et qu'avec le livre d'Allah azza wa jalla, qui est la révélation qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est qui ces gens-là? C'était nos pieux prédécesseurs salaf qui ont le hikmah, la sagesse, et leurs paroles elles n'étaient pas erronées. ويقول محمد بن علي رضي الله عنهما محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بن حنفية فقال لا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. محمد بن علي محمد الفيز علي بن أبي طالب qui est plus connu sous محمد محمد بن حنفية. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ne vous asseyez pas avec les gens du débat, les gens d'innovation, ne débattez pas avec eux. Car ce sont eux qui conjecturent au sujet des versets d'Allah Azza wa Jalla. Wa yushiru ila ma'a. Et à quoi fait-il allusion? Radiallahu anhu. À quoi fait-il allusion? Yushiru ila qawlillahi Azza wa Jalla. Il fait allusion à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Il fait allusion à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala في سورة الأنعام dans le verset 68. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec qui? Avec les injustes. Allah azza wa jalla sammahum zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés injustes, ceux qui débattent et qui conjecturent dans nos versets, yani au sujet des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est la traduction approximative bien sûr. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى نَهَا عَنْ مُجَالَسَةِ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِهِ بِالْعَقْلِ وَبِالْرَأِي وَالْهَوَى. Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit de s'asseoir avec les gens qui conjecturent au sujet de ces versets avec la raison, avec leurs avis ou avec leurs passions. وذلك لأنهم يورثوك هذا الذي ذكر. Pourquoi? Parce que si tu restes avec eux et tu les écoutes, eh bien ils vont te faire hériter ce que nous avons mentionné précédemment. Soit ils te plongeront dans leur égarement, ou soit eh bien tu seras, ou ils te mettront le doute concernant certaines choses que tu connaissais et que sur lesquelles tu étais certain et que tu pensais comme acquises. والله جل وعلا سماهم ظالمين. الله عز وجل les a appelés injustes, ces gens-là qui conjecturent. فقال فلا تقعد بعد الذكرى. فقال واما ينسينك الشيطان فتجلس معهم وتنسى هذا التذكير من ربك لك الذي في سوره الانعام. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ne t'assieds pas avec après le rappel. C'est-à-dire, si le diable te fait oublier, et que tu t'étais assis avec eux, et que tu avais oublié ce rappel qui est mentionné dans Sourate Al-An'am, eh bien, après que tu te sois rappelé, bien ne t'assieds pas avec eux. Écarte-toi d'eux. Écarte-toi d'eux. Idha tadhakkart aw dhukirt. Si tu t'es rappelé toi-même ou qu'on t'a rappelé, fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin. Ne reste pas avec, après le rappel, avec les injustes. Wa qum wa trukhum. Lève-toi et délaisse-les. Hifadhan 'ala nafsika yaslamu laka dinuk. Pour préserver, eh bien, ta propre personne, et avec cela, eh bien, tu préserveras ta religion. Et tu préserveras également ta croyance. Et c'est sur cette chose-là qu'étaient les plus prédécesseurs. Rahmatullahi alayhi. Min al-nahi 'an mujalasati ashab al-khusumat. Les plus prédécesseurs, rahimahumullah, eh bien, ils interdisaient de s'asseoir et de débattre et d'écouter les gens d'innovation et de rentrer avec eux, eh bien, dans ce sujet-là, peu importe la situation. Pourquoi? Eh bien, pour préserver ta religion. Pourquoi? Parce que, eh bien, le fait de préserver ta religion, rien n'est équivalent à cela. Rien n'est équivalent au fait de préserver ta religion. ثم قال المؤلف ابن بطة الإمام ابن بطة رحمه الله ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك ولا ترافقه في سفرك وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك. Qu'est-ce qu'il dit l'imam ibn Battah? Il dit, et ne prends conseil chez aucune personne parmi les gens de l'innovation concernant ta religion. Et n'en fais pas tes compagnons de voyage. Il ne fait pas que ton compagnon de voyage soit un innovateur ou quelqu'un qui a des ambiguïtés. Et si tu peux, n'en fais pas ton voisin. Si tu peux, et tu es dans la capacité d'habiter qu'avec des gens de la sunna, et dans ton voisinage, des gens de la sunna, eh bien fais en sorte cela. وهذا الجزء من الكلام مهم جدا. الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله dit que, eh bien, cette partie des paroles de l'imam Ibn Battah, eh bien, ces paroles sont également très très importantes. ووالله ما كتب ليبقى في الكتب. Et ces paroles, elles n'ont pas été écrites pour rester dans les livres. Ces paroles, elles n'ont pas été écrites pour rester dans les livres. إِنَّمَا كُتِبَ لِتُطَبَّ. Elles ont été écrites pour être appliquées, pas pour rester dans les livres. وَلَكِنَّ النَّاسِ فِي هَذَا الْعَصْرِ أَصْبَحُوا كَمَا يَقُولُ بَعْدُ مَشَايِخِنَا يَعِيشُونَ فِي بِالْعَقْلِ الْمَعِيشِ مَا هُوَ بِالْعَقْلِ الشَّرْعِي. Mais malheureusement, à notre époque, comme Cheikh dit, que certains de ces chouyours, ils disent que les gens, eh bien, vivent avec leur raison et ne réfléchissent pas avec la religion. Ils ne réfléchissent pas avec la religion. Même si, eh bien, cette chose-là, eh bien, fait que tu perds ta religion. Tu réfléchis avec ta raison, mais tu ne réfléchis pas avec la religion. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَهُجْرَانُهُ لِلْبِدَعِ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَيَا أَسَفَهِ. Il faut savoir que le fait, eh bien, de délaisser l'innovation et les gens d'innovation, et de ne pas leur parler, et de ne pas s'asseoir avec eux, et de ne pas débattre avec eux, c'est un des fondements, parmi les fondements de la croyance de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Mais malheureusement, combien se rappellent de cela? Combien à notre époque se rappelle de cela ? ضُيِّعَ فِي هَذَا الزَّمَانِ إِلَّا عِنْدَ مَنْ قَلْبِ. Et ce fondement parmi les fondements de la croyance, eh bien il a été égaré et il a été perdu, sauf chez très peu de personnes. نَسْأَلُ اللَّهَ الثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى حَتَّى نَلْقَاهُ. يقول المصنف رحمه الله ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. Il dit et ne prend conseil chez aucune personne parmi les gens d'innovation concernant ta religion. لماذا؟ لأنه غير مأمون. Pourquoi? Tu ne dois pas prendre conseil chez les gens de l'innovation parce qu'ils ne sont pas dignes de confiance. لأنه غير مأمون كما قال السلف رحمهم الله صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك. السلف qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'innovateur, ne lui fais pas confiance dans ta religion et ne lui demande pas conseil dans tes affaires. كما نقل عن الفضيل ابن عياض, comme ceci est rapporté par الفضيل ابن عياض صاحب البدعة لا تأمنه على دينك. Ne fais pas confiance à l'innovateur dans ta religion. Elle ne dit pas ta religion. Il ne lui fait pas confiance. فأنت هنا حينما تشاور أحدا من أهل البدع في دينك تكون قد أمنته. ولا si eh bien tu demandes conseil à une personne d'innovation dans ta religion, c'est que tu as confiance en lui. Oui ou non? إذا شاورت المبتدع معناه مؤتمن عندك. Si tu demandes conseil à l'innovateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est digne de confiance pour toi. صحيح ام لا؟ Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. Il dit celui que tu consultes pour demander conseil, c'est quelqu'un qui est digne de confiance normalement. Et si tu demandes un conseil à un innovateur ou quelqu'un qui est sur l'innovation ou qui a des ambiguïtés, ça veut dire pour toi qu'il est digne de confiance. Comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, فَأَنْتَ إِذَا شَوَرْتَ مُبْتَدِعًا فَكَأَنَّمَا قَدْ زَكَيْتَهُ فِي أَمَانَتِهِ. Si tu demandes le conseil à un innovateur concernant ta religion, c'est comme si tu lui avais fait une éloge et que tu avais dit qu'il est digne de confiance. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. Celui à qui tu demandes conseil, c'est que tu as confiance en lui. فإذا شاورت أحد من أهل البدع في دينك فهو عندك مؤتمن. Si tu demandes conseil à quelqu'un d'innovation, c'est que pour toi il est digne de confiance et tu as fait son éloge. والسلف رحمهم الله يقولون صاحب البدعة لا تأمنه على دينك. Alors que le salaf, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'innovateur, ne lui donne pas ta religion en dépôt et ne lui fais pas confiance concernant quoi? Ta religion. وسواء كان هذا في الأفراد أو مع الأفراد أو مع الجماعات لا يجوز لك أن تشاور المبتدع في دينك لأنه غير مأمون على دينك فكيف تشاور غير الأمين أو المأمون. L'innovateur, il n'est pas digne de confiance. Il n'est pas digne de confiance. Comment tu peux lui demander conseil pour ta religion? À quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, comment tu peux lui demander conseil concernant ta religion? وكتب المتوكل رحمه الله الخليفة العباسي إلى الإمام أحمد كتابا وأرسل به رسله كما ذكر ذلك محمد بن أحمد بن منصور المرودي رحمه الله أو رحم الله الجميع. المتوكل الكليف للعباسي, il a envoyé un message الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة il a envoyé des émissaires comme ceci rapporté par Muhammad ibn Ahmed ibn Mansour al-Maroudi. Qu'Allah fasse miséricorde à tous les imams de la Sunna. فقال جاء رسول الخليفة إلى الإمام أحمد واستأذنوا فإذا هم أربعة فدخلوا على الإمام بكتاب الخليفة. Donc il dit que le messager du calife, le mutawakkil, sont venus à l'imam Ahmed et ils lui ont demandé la permission d'entrer. Et voilà que quatre hommes sont rentrés. Et ils lui ont ramené ce message. Ils lui ont ramené ce message. وَمِنْ ظَمْنِ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ إِلَى أَحْمَدْ سُؤَالُ الْخَلِيفَةِ لِلْإِمَامِ أَحْمَدْ عَنْ وِلَايَةِ الْجَهْمِ هَلْ يَسْتَعِينُ بِالْجَهْمِيَةِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ. Et parmi ce que contenait ce message, il y avait une question du calife pour l'imam Ahmed. Il le questionnait au sujet, sur un sujet, il lui disait, est-ce que nous pouvons donner une quelconque autorité au Jahmi concernant eh bien, les affaires des musulmans? Il a questionné l'imam Ahmed à ce sujet. Il demandait son avis. فقال الإمام أحمد رحمه الله لا يستعان بالجهمية في أمور المسلمين. الإمام أحمد لي répond on ne demande pas l'aide de l'jahmiya qui font partie des gens d'innovation concernant les affaires des musulmans. فسأله أيستعان باليهودي والنصراني على أمور المسلمين. Ensuite il a posé une autre question. Dans le message, il y avait une autre question. Est-ce qu'on peut demander l'aide à un juif ou à un chrétien concernant les affaires des musulmans ? فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدْ نَعَمْ يُسْتَعَانُ بِالْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي عَلَى أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ. Oui, on peut demander de l'aide concernant les affaires des musulmans à un juif ou à un chrétien. إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ تَسَلُّطْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Si, eh bien, il n'y a pas, ou yani ce poste que tu lui donnes, eh bien, il n'y a pas de domination. Il ne pourra pas, eh bien, dominer les musulmans avec cela. فَقَالَ أَحْمَدْ رَحِمَهُ اللَّهِ قَدْ إِسْتَعَانَ السَّلَفُ بِهِمْ. Et l'imam Ahmed l'a dit, les salafs, les plus prédécesseurs, ils se sont appuyés sur leur aide, sur certaines affaires concernant les musulmans. فَسَأَلَهُ الْمَرُّودِي يُسْتَعَانُ بِالْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي وَهُمْ كُفَّارُ وَلَا يُسْتَعَانُ بِالْجَهْمِيَ. Non, le Marroudi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, est-ce qu'on demande l'aide à un juif ou à un chrétien alors qu'ils sont mécréants et on ne demande pas au Jahmiya? Yani, ça lui a paru quelque chose de bizarre. فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهِ يَا بُنَيَّ هَؤُلَاءِ يَضْطَرُّ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ. Il lui a dit, oh mon fils, ceux-là, le Jahmiya, les musulmans peuvent être occupés par eux. يغتر الناس بهم فيرونهم بعد ذلك لا بأس بهم ويرونهم خير. Si tu leur demandes de l'aide, eh bien les gens, eh bien ils vont être trompés. Ils vont se dire, ils sont dans le bien en réalité. Si on leur demande de l'aide, c'est qu'ils sont dans le bien. On peut leur demander de l'aide. Et si le gouverneur leur a demandé de l'aide sur certaines affaires des musulmans, c'est que le Jahmiya, ils sont à la khayr. فقال هؤلاء يغتر بهم الناس. Les gens peuvent être trompés par le fait, eh bien, que si le gouverneur fait appel à eux pour l'aider sur certaines affaires des musulmans, ils peuvent être trompés. الجهمية إذا استعان بهم اغتر بهم الناس. أما اليهودي والنصراني كل واحد يعرف أنه يهودي ونصراني. Mais quant aux juifs et aux chrétiens, tous les gens savent qu'ils sont juifs ou chrétiens. فلا يغتر بهم. Ils savent qu'ils sont sur la mécréance. Ils ne peuvent pas, eh bien, être dupés par ces gens-là. Mais le Jahmi, il est musulman. Mais, soit croyant, c'est les héros. Et si, eh bien, le gouverneur fait appel à eux et qu'il l'aide, les gens vont croire, vont avoir le bon soupçon sur eux. Ils vont croire du bien sur eux. Alors que les juifs et les chrétiens, on sait qu'ils sont mécréants. On ne peut pas être dupé par eux. Regardez la compréhension de l'imam Ahmed. Où est-ce qu'ils allaient, rahimahumullah? Comment, eh bien, il réfléchissait. وهذا معنى قول السلف. Et ça, eh bien, c'est le sens de la parole des salaf. ووالله والله كما قال الشيخ إنا لنفخر به ونأذن به على رؤوس المنابر. Et il dit, Cheikh, ces paroles-là, nous devons être fiers de ces paroles-là. Et nous devons les dire sur le manabir, sur le mimba. Inna ahl al-ahwa wal-bida' akhtaru 'ala al-muslimin min al-yahudi wal-nasara. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire que les gens de l'innovation sont plus dangereux pour les musulmans et l'islam que les juifs et les chrétiens. Nahnu nafkhar bi hadha al-kalam. Il dit, nous devons être fiers de ces paroles. Là, nastahiyyu minhum, mais nous ne devons pas avoir de pudeur quant à transmettre ces paroles. لأن الناس ينخدعون باليهودي والنصراني. Pourquoi? Parce que les gens, eh bien, là ينخدعون. Ils ne peuvent pas être trompés par un juif ou un chrétien. Ils savent qu'ils sont sur la mécréance. المسلمون يقولون هذا يهودي كافر. Ils disent, c'est un juif, il est mécréant, on le sait. وهذا نصراني كافر. Il ne peut pas être trompé par cela. ولكن لو جئت بالمبتدع وجعلته هنا قال لو فيه شيء ما حطه السلطان هنا. Mais si tu ramènes bien un poste important, une personne d'innovation, un innovateur, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont être trompés, ils vont dire, mais attends, le sultan, il ne peut pas, s'il est là, c'est qu'il a un bien. Alors que le juif et les chrétiens, tu sais qu'il est mécréant. Mais le Jahmi, ou le Qadari, ou le Mubtadi'. Tu ne pourras pas penser ça. Tu te dis, bah, si le sultan a dit, ça veut dire qu'il a raison. Il est bien. فيخدعون به اليوم يرجفون علينا بهذه العبارة عبارة السلف. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils ont peur de dire ces paroles. Les paroles de Salaf. C'est qui l'a dit, cette parole? C'est l'imam Ahmed, rahimahullah. Ahlul bid'ah, akhwafu alayna wa adarru ala l'islam, ou akhtar ala l'islam, ou akhtar ala l'muslimin, min al-yahoud wa al-nasara. Ces paroles-là, c'était quoi? C'est que, eh bien, les gens d'innovation sont plus dangereux pour l'islam. Ils sont plus néfastes pour l'islam et les musulmans que les juifs et les chrétiens. حتى صار هذا الأمر مخيفا مرهبا لكثير من السلفيين. Jusqu'à ce que cette affaire et ce sujet et le fait de dire ça, eh bien, c'est devenu quelque chose de dangereux et quelque chose qui fait peur et d'effrayant à dire pour les salafis. وصار يدس رأسه خوفا وحياء. Et certains salafis, eh bien, ont peur par pudeur et par crainte de dire ces choses-là, qui sont les paroles de salaf. Là, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Là, ارفع بذلك رأسك أيها السني. Dis non. Tu dois être fier et dire cette parole et lever la tête haute quand tu dis cette parole. Si tu es sur la sunna. واشرحه. Et explique cette parole. وقل له إن اليهودي والنصراني لا ينخدع أحد به. Il dit que le juif et le chrétien, personne ne pourra être trompé parce qu'on sait et que leur situation est claire. لما له في القلوب من الكره والبغض ولأنه معروف ومكشوف للعموم. Pourquoi? Parce que les gens, eh bien, dans leur cœur, ils savent. Et ils sont détestés, les gens. Et que leur situation est claire. أما المبتدع فينخدع به الناس. ويقولون لو حذرتهم منه فيما بعد لو كان به بأس ما وضعوه في هذا الموضع. أنت أعلم أو الدولة. Alors que l'innovateur, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, si, eh bien, il n'était pas bien, le gouverneur l'aurait pas mis à cette place. Le gouverneur l'aurait pas mis à cette place. Certains vont dire, toi, tu connais plus que le gouverneur. فحينئذ يكون شرا على المسلمين. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura le mal pour les musulmans. فصدق الإمام أحمد رحمه الله يقول هؤلاء ينخدع بهم الناس. En disant que ces gens-là, les innovateurs, les gens, eh bien, sont trompés par eux. أما اليهودي أو اليهود والنصارى ما أحد ينخدع بهم. Mais quant aux juifs chrétiens, personne ne peut être trompé à leur sujet. فلا يقتضون بهم ولا يميلون إليهم بخلاف المبتدع. Et les gens ne peuvent pas pencher vers eux. Ils ne peuvent pas être trompés par eux, contrairement aux innovateurs. Contrairement aux innovateurs, les gens peuvent, eh bien, pencher vers eux et vers leur innovation. ويقول رحمه الله ولا ترافقه في سفرك. Et également, ne fais pas de l'innovateur ton compagnon lors du voyage. أي لا ترافق المبتدع في سفرك. Ne fais pas de l'innovateur ton compagnon lors de ton voyage. لأنه غير مؤتمن. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas digne de confiance. ولأنك في سفرك أو في السفر تتبسط. Pourquoi? Parce qu'également, eh bien, lors du voyage, la personne, elle a tendance à se relâcher. Elle a tendance, dans le voyage, la personne, elle se relâche. وَالْمَرْءُ إِذَا تَبَسَّطَ تَسَمَّحَ فَرُبَّمَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمِزَاحِ مِمَّا هُوَ خَارِجٌ عَنْ حَدِّ الْاِعْتِدَالِ. Et si la personne se relâche, eh bien, elle peut devenir plus conciliante. Et elle peut faire apparaître certaines choses en rigolant qui sortent, eh bien, de l'équité. أو وقعت له هنا أو غلط أو نحو ذلك. Ou sinon, il peut, eh bien, se tromper sur certaines choses dans son voyage et être dupé. فانبساط المرء في سفره عورة من عوراته كما كان يقول السلف. Il faut savoir que le relâchement de la personne dans le voyage, comme il disait Salaf, eh bien, c'est une sorte de relâchement. Son relâchement, pardon, dans le voyage, c'est une sorte d'intimité. C'est une sorte d'intimité parmi l'intimité de la personne. فَلَا يُبْدِهَا إِلَّا عِنْدَ مَنْ يُحِبْ. Et cette intimité, il ne doit la montrer que envers les gens qu'il aime, pas envers les innovateurs. وهذا غير محبوب ولا مأمون. L'innovateur, eh bien, tu ne l'aimes pas. Et également, il n'est pas digne de confiance. Et يأخذها عليك. Et il se peut, eh bien, qu'il la garde pour la prendre argument pour toi, contre toi, pardon. Cette chose qu'il a vue en toi, ce relâchement et cette sortie de l'équité qu'il a vue en toi dans ce voyage, il se peut, eh bien, qu'il la prenne pour argument contre toi. انبساط المرء في سفره عورة من عوراته. C'est une intimité que la personne ne doit dévoiler qu'à ses intimes. فلا يبديها إلا عند من يحب. Il ne doit la dévoiler que aux personnes qu'il aime, à ses frères salafi, pas aux gens d'innovation. فأنت ما ترافق في سفرك هذا المبتدع لأنه غير مأمون. Tu ne dois pas, eh bien, être accompagné ou t'accompagner d'un innovateur dans ton voyage parce qu'il n'est pas digne de confiance. فينقل مثل هذه العوارات. Et il se peut, eh bien, qu'il dévoile cette intimité et qu'il la prenne pour argument contre toi. أما أخوك المؤتمن فيستر وينصح. Mais ton frère digne de confiance salafi, lui, eh bien, il va cacher tes défauts et il va te conseiller, bismillah. Fil mubah yastur, dans les choses licites, eh bien, il va cacher ton intimité. Wa fil khata yansah, et si tu te trompes, il va, dans ton voyage, il va te conseiller. Fa anta la turafiq hadha fi safarik. Fa safaruhu ma'ak shu'mun. Tu ne dois pas être accompagné de cet innovateur dans ton voyage. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, ton voyage va devenir une calamité. ثم قال وإن أمكنك ألا تقاربه في جوارك. Et si tu peux ne pas en faire ton voisin, fais-le. فافعل كذلك فقد كان السلف. C'est comme ça qu'était السلف. Si tu peux t'écarter des innovateurs dans ton voisinage, fais-le. وجاءت هذه العبارة عنهم متضافرة. Et cette parole, elle est venue pour nous aider dans notre religion et dans notre croyance et dans notre minhaj. Kanu yaqulun la'in tujawiruni al-qiradatu al-khanazir khayrun min an tujawirani al-mubtadi' an yujawirani al-mubtadi'. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que je préfère avoir comme voisin des singes et des porcs que d'avoir comme voisin un innovateur. Un innovateur, subhanallah. لأن هذه الحيوانات لا تكليف عليها. أما المبتدع فشؤمه يتعدى إلى جيرانه. Pourquoi? Parce que ces animaux-là, ils n'ont aucune responsabilité. Mais cet innovateur, sa calamité et son mal se propagent chez ses voisins. فإذا سكن مثلا سني بين الروافض. Si par exemple un sunni habite et autour de lui il n'y a que des rafida, shi'a. من أول ما يجني أن إخوانه لا يأتون إلى هذا الحي. S'il habite dans un quartier de shi'a, rawafid, la première des choses qui va se passer, c'est que ses frères, ils ne vont même pas le visiter. Ils ne vont même pas aller dans ce quartier. Ses frères sunnis, ils ne vont même pas aller dans ce quartier. La première des choses. Pourquoi? Parce qu'il répugne à aller dans ce quartier. فَإِذَا سَكَنَ بَيْنَهُمْ فَلْيَتَحَمَّلْ الْقَطِيعَ فَهَذَا مِنْ شُؤْمِ مُجَاوَرَتِهِ إِيَاهُ. Donc si la personne habite dans leur quartier, eh bien il doit prendre la responsabilité du fait que ses frères ne viendront plus le visiter. Et ça, ça fait partie du mal, eh bien, d'habiter et d'avoir pour voisinage des gens d'innovation. وَكَانَ السَّلَفْ يَقُولُونَ لَإِنْ يُجَاوِرُنِي صَاحِبُ مِزْمَارٍ وَطُمْبُورٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُجَاوِرَنِي مُبْتَدِعٍ. Et السلف, qu'est-ce qu'il disait également? Je préfère avoir des gens qui font du tambour et des instruments comme voisins que d'avoir des gens de l'innovation comme voisins. وَذَلِكَ لِيَنَّ صَاحِبَ الْمِزْمَارِ أَكْسِ الْمِزْمَارَ وَطُمْبُورَهُ وَأَنْهَا فَيَنْتَهَ. Pourquoi? Parce que celui qui a un instrument de musique ou un tambour ou quoi que ce soit, tu lui casses ou tu lui interdis, tu lui dis taqillah, il va arrêter. وَالْمُبْتَدِعْ لَا مَا يَنْتَبَ. Alors que le mubtadi, il ne va pas arrêter son innovation. لِأَنَّهُ يَرَى نَفْسَهُ عَلَى خَيْرٍ. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est sur la vérité. وَأَنَّهُ عَلَى حَقٍ. فَمِثْلُ هَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجَاوَ. Donc ces gens-là ne méritent pas qu'on soit leur voisin. فَلِذَلِكَ الْجَارُ قَبْلَ الدَّارِ. Et pour cette raison que la personne doit choisir, comme disait Salaf, doit choisir son voisin avant sa maison. كما يقول يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينغض. Qu'est-ce qu'il disait Salaf? Il disait, il me reproche d'avoir vendu ma maison à perte, mais il ne savait pas que j'avais pour voisin une personne qui m'a rendu la vie invivable. فقلت لهم كف الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار أو ترخصوا وترخصوا. Et je leur ai dit, arrêtez vos reproches, car c'est avec le voisinage que le prix des maisons baisse ou s'élève. Donc ils lui ont reproché d'avoir vendu sa maison à bas prix. Pourquoi? Parce que pour délaisser les gens de l'innovation. Il disait que j'avais un voisin qui était invivable, qui me rendait la vie invivable. Donc arrêtez de me faire des reproches, car c'est avec le voisinage, c'est selon le voisinage que l'on connaît, eh bien, le prix de la maison. ولما أظهر من أظهر سب الصحابة في بغداد خرج أهل السنة منها. Et quand a commencé à apparaître les gens à Bagdad qui ont commencé à insulter les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم, Eh bien, les gens de la Sunna sont sortis de Bagdad. Et ils ont commencé à habiter autour du centre-ville. Pourquoi ? Parce que dans le centre-ville, eh bien, il y avait les gens qui insultaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont préféré s'éloigner de ces gens-là. Et de ne pas les prendre pour voisins. وهذا مذكور في تاريخ بغداد فرضي الله عن الأسلاف الذين طبقوا هذا تطبيقا عمليا et ceci mentionné eh bien dans l'histoire de Bagdad. Le Cheikh dit qu'Allah Azza wa Jalla a agréé nos pieux prédécesseurs, ceux eh bien qui ont appliqué véritablement avec les actes leurs croyances et leurs minhaj. فأنا أقول لكم يعني الشيخ ليس أنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي دي أنا أقول لكم جهودي أقول لكم هذا الكلام لم يكتب والله دي سي بارول je vous l'ai dit mais ces paroles ne doivent pas être écrites ليبقى في الكتب ces paroles هذا الكلام لا يكتب ليبقى في الكتب ces paroles ne doivent pas être écrites pour rester dans les livres. Wa innama kutiba li yusha' wa yudha' wa yudarras. Ces paroles doivent être propagées, pas rester dans les livres. Doivent être propagées, doivent être enseignées fi mithli hadhihi al-majalis, dans ces assises pareil à celle-ci. Wa yunshar bayna an-nas, ils doivent être propagées parmi les gens. حتى يعلموا به أو يعملوا به jusqu'à ce qu'ils appliquent ces paroles-là. رضي من رضي accepte ou est satisfait celui qui est satisfait. وسخط من سخط qui est en colère et rejette ces paroles celui qui veut rejeter. لا يضرك ذلك أيها السني et que ceci ô toi le sunni que ceci ne te soit pas néfaste فبهذا القدر نكتفي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم إن شاء الله يفخر عيسى ودني سكوخ سورة الحمدانية ونسكيس هيستوريك ونسكيس الحمدانية